Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Chicoutimi. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Louis-Philippe Simard des Saguenayens qui est originaire de Mascouillas. Mais pour lui, c'est une belle expérience de jouer à Robertval vendredi. Je pense de revenir dans le fond d'où que je reste, voir tous les partisans qui sont là. L'ambiance du monde de chez nous, puis autant Robertval qui vont supporter moi puis Samuel. Je pense que ça va être le fun, puis avoir une bonne ambiance. OK. Dans un deuxième temps, il s'est entraîné fort pour être prêt pour le camp d'entraînement. Ouais, justement, j'ai passé l'été à Chicoutimi justement pour m'entraîner avec le préparateur physique des Saguenayens. Je pense que ça m'a aidé d'arriver prêt au camp, puis je pense que je l'ai vu aussi aujourd'hui au niveau des pratiques et au niveau des tests physiques. Je pense que c'était une grosse étude de mon côté. Hein. OK. Et dans un dernier temps, on a parlé que dans le cas de Louis-Philippe Simard, ben, le fait qu'il va jouer à la défense cette année, ben, ça va lui permettre de concentrer plus sur son jeu. Oui, il va être défenseur. C'est sûr que le niveau de concentration avant les games, c'est pas la même chose. C'est pas vraiment le même jeu qu'avant. Ma façon de préparer pour les matchs est différente. Ou sinon, niveau confiance, je pense que je vais être plus confiant que l'année passée. T'sais, l'année passée, j'avais plus un poste joueur d'avant, joueur de def. Cette année, j'ai vraiment un poste défenseur, dans le fond, que je pourrais me concentrer vraiment là-dessus. Je pense que je vais être plus confiant à ce niveau-là. Ce matin, j'ai eu la chance de parler via le téléphone avec Jérémy Fortin de Tolboom Sissi, qui est toujours au camp des Cataractes de Shawinigan. Il a disputé un match pré-saison au cours du dernier week-end. Il ne sait toujours pas s'il va participer ou il va être en uniforme alors que les Cataractes vont visiter les Saguenayens à Chicoutimi. Match de la Ligue de balle donné hier, le RD t'a fait les devants 2-1 dans la série contre le Zodiac. On parle évidemment de la Ligue de balle donné de Robertval. Victoire du RD Trophée 9-8. Lanceur gagnant David Lavoie, lanceur perdant Carl Labeaume. Prochain match aura lieu jeudi à Robertval. La série est menée par le RD Trophée 2-1. Et advenant un match décisif, il y aura lieu également dans le cadre d'un programme double jeudi soir. Et belle nouvelle pour Marianne Saint-Gelin. Marianne Saint-Gelin qui va recevoir aujourd'hui un nouvel appui au niveau des commandites. Il s'agit de produits forestiers résolus. Il y aura une conférence de presse à 13h30 cet après-midi à Saint-Félicien. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.